إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on arrive au cours 13 maintenant dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, يعني شروط الصلاة وأركانها وواجباتها. يعني les conditions de la salat, ses piliers et ses obligations. Et c'est avec l'explication du Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad. On est en train d'expliquer dans les derniers cours, on avait expliqué le tashahhud. Puis on a parlé des questions qui ont rapport avec le tawhid et avec le shirk. Hein, on a expliqué ces questions-là. Puis là, le Cheikh, il est rentré dans un sujet qui est relié à al-udhru bil-jahl, hein, le fait d'excuser les musulmans qui commettent des actes de shirk dans les pays musulmans et le fait que certains d'entre eux commettent ces actes-là par ignorance. Il mentionnait la divergence qui existe entre les ulama du fait que certains d'entre eux considèrent que les preuves du tawhid sont claires et donc que toute personne qui commet des actes de shirk dans l'adoration, donc que c'est un mushrik kafir, hein, et il considère que la preuve est établie déjà. Tandis qu'il y a d'autres ulama qui, eux, considèrent que non, yani, certains d'entre eux, à cause de l'ignorance qui est répandue, il faut les excuser par rapport à leur ignorance. Hein, et il y a beaucoup de shayatin al-ins, des ulama sous, hein, des mauvais ulama qui sont corrompus, qui ont déformé la réalité de l'islam pour ces gens-là. Et donc, eux, ils ont commencé à pratiquer des actes de shirk en pensant que c'était correct à cause de ces égarés-là qui leur ont menti à propos de l'islam. Donc, à cause de ça, ces gens-là, ils ont une excuse. Hein? Et le Cheikh, il a cité des paroles de plusieurs ulama qui mentionnent justement que il y a une telle chose que l'excuse par rapport à l'ignorance dans l'islam. Et il a mentionné les paroles de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, les paroles de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il a cité également des paroles de d'autres parmi les ulama, parmi les imams de la da'wah. Et maintenant, on va lire ensemble sur ce sujet la parole de Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dans son livre Al-Sharh al-Mumti', l'explication de Zad al-Mustaqni'. Dans le volume 6, à la page 194, il dit: ولكن من كان جاهلا ولم يكن عنده أي شبهة ويعتقد أن ما هو عليه حق أو يقول هذا على أنه الحق فهذا لا شك أنه لا يريد المخالفة ولم يريد المعصية والكفر فلا يمكن أن نكفره حتى ولو كان جاهلا في أصل من أصول الدين فالإيمان بالزكاة وفرضيته وفريضتها أصل من أصول الدين ومع ذلك لا يكفر الجاهل وبناء على هذا يتبين حال كثير من المسلمين في بعض الأقطار الإسلامية الذين يستغيثون بالأموات وهم لا يعلمون أن هذا حرام بل قد لبس عليهم أن هذا ممن يقرب إلى الله وأن هذا أمر الله وهم مقتفون للإسلام وغيرون عليه ويعتقدون أن ما يفعلونه من الإسلام ولم يأتي أحد ينبههم فهؤلاء معذورون لا يؤاخذون مؤاخذة المعاند الذي قال له العلماء هذا شرك فيقول هذا ما وجدت عليه آبائي وأجدادي فإن حكم هذا الأخير حكم من قال الله تعالى فيهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. Donc Cheikh Mohammed bin Saleh Al-Uthaymeen, il a vraiment clarifié l'affaire clairement, hein? Il a vraiment démonté la question et démontré l'affaire clairement avec les clarifications. Sa parole elle est claire, elle est pas, il n'y a pas d'ambiguïté dedans. Le cheikh, il dit, mais par contre, la personne qui est ignorante et qui n'avait pas aucune shubha et qui croit que, yani, elle est sur la vérité, et elle dit, cette chose c'est la vérité. Il dit que cette personne, il n'y a pas de doute qu'elle ne voulait pas contredire la vérité. Ce n'était pas son intention. Et elle n'a pas voulu non plus la désobéissance ou la mécréance. Et donc, il n'est pas possible de la déclarer mécréante même si cette personne est ignorante dans un des fondements parmi les fondements de la religion, comme par exemple la foi en la zakat et en son obligation. Ça, c'est un pilier ou un fondement parmi les fondements de la foi. Et il dit, et malgré ça, on ne peut pas déclarer yani kafir la personne qui est ignorante de ce fondement-là. Et donc, en se basant sur ce point-là, on peut comprendre l'état de plusieurs d'entre les musulmans dans certaines contrées des pays musulmans qui appellent au secours les morts, hein, et qui ne savent pas que cette chose-là est haram. Et on leur a mélangé les choses au point où ils pensent que ça fait partie de ce qui rapproche les gens à Allah. Et que ça, c'est l'ordre d'Allah de faire une telle chose. Et ce sont des gens qui recherchent l'islam et qui sont jaloux pour leur islam et qui croient que ce qu'ils font, ça fait partie de l'islam. Et il n'y a personne qui est venu pour leur dire ou pour leur donner l'information que ce qu'ils font est incorrect, hein, ou contraire à l'islam. Donc le cheikh, il dit que ceux-là sont excusés. Ils ne doivent pas être pris pour compte de la même manière qu'on prend pour compte la personne qui rejette la vérité ou qui refuse la vérité par obstination ou par arrogance. Comme les ulama l'ont dit, hein, que si par exemple quelqu'un tu lui dis ça c'est du shirk, et puis lui il te répond et il dit oui mais j'ai trouvé mes pères et mes ancêtres sur ça. Alors le cheikh il dit que le verdict de celui qui répond de cette façon, hein, qui se base sur ses ancêtres, eh bien c'est le verdict de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de ceux à propos desquels il a dit nous avons trouvé nos pères sur cette voie, hein, et nous suivons leurs traces, hein, nous suivons leur exemple. Donc ça c'est l'exemple des mouchriquins, comment ils justifiaient leur shirk en disant qu'ils suivaient leurs ancêtres. Donc celui qui a cet argument-là, bien entendu, après qu'on lui ait clarifié les preuves que ce qu'il fait c'est du shirk, yani ça veut dire que celui-là c'est un mushrik. Tandis que celui que quand tu lui expliques les preuves, il dit vraiment réellement ça c'est les bases de l'islam, ça c'est vrai, tu as raison, ça c'est le tawhid, hein, nous on savait pas, il accepte la vérité, il revient au tawhid. Celui-là, dans ce cas-là, tu ne peux pas dire que c'était un mushrik. Le cheikh, il dit وَإِنَّمَا أَفَضْتُ بِذِكْرِ النُّقُولِ عَنْ شَيْخِ الْإِسْلَامِ مُحَمَّدِ بِنْ عَبْدُ الْوَهَابِ فِي تَقْرِيرِ هَذِهِ الْمَسَأَلَةِ وَهِيَ أَنَّ تَكْفِيرَ الْمُعَيَّنِ الَّذِي وَقَعَ فِي الشِّرْكِ فِي الْعِبَادَةِ لِجَهْلِهِ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْبَيَانِ لَهُ وَإِقَامَةِ الْحُجَّةِ ولا قبل ذلك لأن من الجاهلين والحاقدين عليه وعلى دعوته المبنية على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة من يشنع عليه وينفر من دعوته وينفر من دعوته برميه بالتكفير أو برميه بتكفير المسلمين والتكفير بالعموم، وهو إنما يكفر من قامت عليه الحجة وبانت له المحجة، لأن نفرا يسيرا من طلبة العلم من أهل السنة فيما علمت يعيبون على من يقرر ذلك، وهو عيب لما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهما من أهل العلم. Donc le cheikh, on va lire qu'est-ce que le cheikh a expliqué ici. Il dit, j'ai voulu mentionner plusieurs des textes et des paroles de Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab au sujet de cette question, c'est-à-dire la question qui est reliée au fait de faire le takfir de la personne, et qu'on ne doit pas le faire jusqu'à ce qu'on n'ait pas établi la preuve contre la personne. Non, le Cheikh il est en train d'expliquer la personne qui adore autre que Allah et qui fait des adorations pour autre que Allah. Parce que dans le tashahhud, on dit Ashhadu an la ilaha illallah. Donc ça veut dire que rien ne doit être adoré excepté Allah. Donc quand le cheikh a expliqué la question du tawhid dans le tashahhud, il en a profité pour mentionner cette question-là en même temps pour ramener les détails. Là, il explique maintenant pourquoi il a parlé de ça. Il dit, j'ai mentionné ça, cette question de l'excuse pour celui qui est ignorant dans le takfir, parce que c'est-à-dire la question de faire le takfir d'un individu précis et spécifique qui est tombé dans le shirk, dans l'adoration par ignorance. Donc il dit que le takfir de celui-là, la personne ignorante qui fait le takfir de la personne spécifique qui est tombée dans le shirk, dans l'adoration à cause de son ignorance, ça doit uniquement être fait après que la chose lui ait été clarifiée et qu'on ait établi la preuve, et non pas avant. Parce qu'il y a parmi les ignorants et les gens qui ont de la haine contre le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et contre sa da'wah qui est établie et basée sur le Coran et la Sunna, et ceux que suivaient les salafs de cette umma, ils blâment. Ils blâment et ils font fuir les gens de la da'wah du cheikh et contre le cheikh. Ils veulent faire fuir les gens du cheikh et de sa da'wah en l'accusant de faire le takfir des musulmans et en l'accusant de faire le takfir de façon générale. Alors qu'en réalité, ils ne faisaient le takfir que de celui sur qui on a établi la preuve et sur celui à qui on lui a clarifié la vérité. Et il dit, mais il y a certains groupes parmi les jeunes, parmi les étudiants en sciences, parmi les gens de la Sunna, lorsqu'ils ont, il dit, j'ai appris que certains d'entre eux, ils critiquaient cette position que le cheikh a supportée. C'est-à-dire, ils critiquaient la position du cheikh par rapport à l'excuse vis-à-vis de celui qui fait du shirk par ignorance. Donc eux, ils considéraient que ce n'était pas correct. Il y en a certains étudiants en sciences, parmi les gens de la Sunna, ils blâmaient donc cette position qui a été supportée et confirmée et adoptée par plusieurs parmi les ulamas, comme le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et l'imam Ibn Taymiyyah, et d'autres également parmi les hommes de science. Donc, le cheikh il dit, ومع ذلك فإن الخطأ في العفو في الأمور المشتبهة وخير من الخطأ في العقوبة. Il dit, مع ذلك فإن الخطأ في العفو في الأمور المشتبهة أو المشتبهة نعم ومع ذلك فإن الخطأ في العفو في الأمور المشتبهة خير من الخطأ في العقوبة. وهم في عيبهم القول الذي قرره الشيخان والحرص على خلافه يفسحون المجال للمتربصين بأهل السنة الذين يصطادون في الماء العكر فيرددون صدى نعيق أعداء الإسلام والمسلمين الذين يزعمون أن تطرف من ابتلي بالتفجير والتدمير راجع إلى دراسة مناهج التعليم المبنية على كتب محمد ابن عبد الوهاب وغيره من أهل السنة، وهو بهت وزور ممن افتراه أو ردده، فإن الذين رددوا هذا النعيق من أهل هذه البلاد قد درسوا ما درس غيرهم هذه المناهج، قد درسوا كما درس أنا. نعم، فإن الذين رددوا هذا النعيق من أهل هذه البلاد قد درسوا كما درس غيرهم هذه المناهج، ولم يحصل لهم ضرر منها، بل حصل النفع العظيم منها لكل من شاء الله هدايته وتوفيقه، وإنما حصل التطرف من هؤلاء المتطرفين لفهومهم الخاطئة التي شذوا بها وخرجوا عن جماعة المسلمين، وقدوتهم في ذلك الخوارج الذين شذوا وخرجوا على الصحابة نتيجة لفهومهم الخاطئة، ولكل قوم وارث، والله المستعان. Donc le cheikh il dit, et malgré ça, c'est moins pire de faire une erreur dans le fait d'excuser, dans l'excuse de ces questions-là, lorsque la question est ambiguë. Donc c'est mieux de faire une erreur dans l'excuse que de faire une erreur dans le châtiment, ou dans la punition. C'est mieux de se tromper dans le fait d'excuser que de se tromper dans la punition. Et il dit que eux, en blâmant cette position-là et en critiquant cette punition, eux, en critiquant cette position qui a été supportée par les deux cheikhs, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et Cheikh ibn Taymiyyah, et en insistant à vouloir contredire cette position-là, ils ont ouvert la porte aux ennemis d'Ahl Sunnah qui veulent pécher dans les eaux troubles. Et donc ils répètent les échos de ce que disent les ennemis de l'islam et les ennemis des musulmans, qui prétendent que ce que le monde a subi comme attentat terrorisme et extrémisme et destruction revient à l'étude des systèmes d'enseignement basés sur les livres du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab et d'autres parmi les ulama d'Ahl Sunnah. Et ça, c'est un blasphème, une calomnie et une fausseté et un mensonge inventé contre ces mashaykhs-là. Et ils le répètent et ils le disent à propos des gens de ce pays. Et il y a des gens dans ce pays qui le répètent, c'est-à-dire il y a des gens en Arabie Saoudite qui répètent ces paroles fausses-là et qui prétendent que c'est à cause qu'ils ont étudié les livres de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qu'ils sont devenus des terroristes ou des extrémistes dans la religion. Donc le Cheikh il dit, pourtant eux-mêmes ont étudié ces livres-là et ces méthodologies d'enseignement-là, et aucun tort ne leur sont arrivés. Bien au contraire, ils en ont tiré un grand profit, un grand bienfait. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, celui à qui Allah a voulu la guidance, mais celui pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a voulu la guidance et le succès, eh bien, c'est lui qui en profite réellement. Et là, ولم يحصل لهم ضرر منها بل حصل النفع العظيم منها لكل من شاء الله هدايته وتوفيقه. نعم. Donc il dit ensuite, et ils n'en ont pas tiré eux-mêmes aucun tort de ces livres, au contraire ils ont, et il dit, toute personne pour qui Allah subhanahu wa ta'ala a voulu sa guidance et son succès en tire un grand bienfait et un grand profit. Mais le terrorisme et l'extrémisme est apparu chez qui? Il est apparu chez ceux qui ont une compréhension erronée des livres des ulama, comme le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. C'est leur compréhension qui est incorrecte. Et c'est pour ça qu'ils sont tombés dans les erreurs singulières dans lesquelles ils sont tombés et qu'ils ont quitté la jama'a des musulmans en agissant de la façon dont ils ont agi. Et leur modèle dans cet exemple-là, c'est l'exemple des Khawarij qui ont quitté le corps de la jama'a et qui sont sortis contre les sahaba à l'époque. Et le résultat de ça, c'était bien entendu causé par... Ce résultat-là était causé par leur compréhension incorrecte et erronée des textes de la religion. Et bien entendu, tout peuple a ses héritiers. Les Khawarij, aujourd'hui, ils ont hérité des Khawarij d'avant. Allahul Musta'an. Donc c'est ça ce que le Cheikh a voulu expliquer ici. Et il a écrit d'autres textes à ce sujet-là pour parler de cette question-là. Après, le cheikh, il dit, il explique la suite de la prière, la salat, celle qu'on appelle as-salat al-ibrahimiyya, la prière qu'on fait, sur Ibrahim, alayhi salam. Donc, il dit, le cheikh, قَوْلُهُ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدْ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمِ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. Donc le cheikh il explique as-salatu min Allahi thana'uhu ala 'abdihi fil mala'i al-a'la kama haka al-Bukhari fi sahihihi 'an Abi al-'Aliya qala salatu Allahi thana'uhu ala 'abdihi fil mala'i al-a'la wa qila ar-rahmah was-sawab al-awwal wa min al-mala'ika al-istighfar wa min al-adamiyyin ad-du'a. Donc le cheikh, il dit ensuite, il explique la parole qu'on dit dans le dua pour Abraham et pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il explique, il dit, lorsqu'on dit, « Oh Allah, envoie ta paix et ton salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur la famille de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la même manière que tu as envoyé ton salut sur Abraham, et que tu as prié sur Abraham, tu es certes digne de louange et majestueux. » Donc la salat que Allah fait sur Ibrahim, sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça représente en fait de faire les éloges de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de Ibrahim en le mentionnant en bien parmi ses anges. C'est ça ce que signifie quand on dit sallallahu alayhi. Donc, ça veut dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va mentionner le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de même que Ibrahim, parmi ses anges élevés, et il va les mentionner en bien. Comme ça a été mentionné par l'imam al-Bukhari dans son sahih. Et il dit que ça s'est rapporté selon Abu al-Aliya. Donc, il dit, la prière d'Allah, ou la salat d'Allah, c'est en réalité les éloges qu'il fait de son serviteur parmi les anges élevés. Et il dit que c'est la rahma. On a dit également que c'est la rahma, c'est-à-dire la miséricorde. Mais il dit la position correcte, c'est la première définition, c'est-à-dire que c'est le fait de mentionner ces serviteurs-là auprès de ces anges. Et la prière des anges, c'est le pardon. C'est-à-dire qu'ils demandent le pardon pour les gens, pour les serviteurs d'Allah. Et la prière des hommes, as-salat, par rapport aux hommes, c'est l'invocation. Donc le cheikh, il dit, ensuite, وَالرُّكْنُ الثَّالِثَ عَشَرَ وَالرُّكْنُ الثَّالِثَ عَشَرَ من أركان الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأفضل كيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها عند سؤالهم عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وقد جاءت على صيغ متعددة عن جماعة من الصحابة أفضلهم وأفضلها الكيفية التي جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها بين الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وآله والصلاة على إبراهيم صلى الله عليه وسلم وآله. ففي صحيح البخاري عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقلت بلى فأهداها لي. فقال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم. قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Donc le cheikh il explique, il dit que le 13e pilier de la salat, c'est la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on invoque pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit la meilleure façon ou la meilleure version de cette prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est as-salat al-ibrahimiyya. La meilleure façon de faire la salat, c'est la salat al-ibrahimiyya que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons. Lorsque les compagnons lui ont demandé comment on doit faire la prière sur toi, ô messager d'Allah, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a enseigné plusieurs façons de le faire, et il dit que ça a été rapporté donc de la part de plusieurs d'entre les sahaba, et la meilleure manière ou la meilleure version, c'est celle dans laquelle on réunit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle on mentionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la salat sur lui de même, et sur sa famille, de même que Ibrahim alayhi salam et la prière sur lui et sur sa famille. Donc ça c'est rapporté par Al-Bukhari dans le hadith 3370 selon Abdurrahman ibn Abi Layla. Il dit j'ai rencontré Ka'b ibn Ajra m'a rencontré et il a dit voudrais-tu que je te donne un cadeau que j'ai entendu du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a dit, certes, oui. Alors je lui ai donné. Alors il dit, nous avons demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au messager d'Allah, comment devons-nous faire la prière sur vous, hein? C'est-à-dire vous qui êtes de la famille. Et il dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné comment faire le salam ou comment envoyer le salam sur nous. Et il a dit, dites, ô Allah, donc fais l'éloge du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme tu l'as fait pour Abraham et la famille d'Abraham, tu es certes digne de louange et majestueux. Ô Allah, envoie la bénédiction sur Muhammad et la famille de Muhammad de la même manière que tu as béni Abraham et la famille d'Abraham, tu es certes digne de louange et majestueux. Donc il dit وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Allah et ses anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien envoient leur bénédiction sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ô vous qui avez cru, eh bien, priez-vous également sur lui, hein, et envoyez sur lui la paix et en y le salut. Donc, les sahaba, le cheikh il dit, وَقَدْ عَلِمَ الصَّحَابَ مِنْهُ كَيْفَ أَوْ كَيْفِيَةَ السَّلَامِ عَلَيْهِ بِالتَّشَهُدِ الَّذِي عَلَّمَهُمْ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِيَّاهُ وَفِيهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ فسألوه عن كيفية الصلاة عليه فأجابهم بالصلاة الإبراهيمية. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ومعنى قولهم أما السلام عليك فقد عرفناه وهو هو الذي في التشهد الذي كان يعلمهم إياه كما كان يعلمهم السورة من القرآن وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وفي مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم قال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقال يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا صلى الله عليك. الحديث وفي إسناده عندهما محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد صرح بالتحديث عن محمد ابن إبراهيم التيمي قال حدثني في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا المرء المسلم صلى الله عليه في صلاته محمد بن إبراهيم ابن الحارث إذ المرء المسلم صلى عليه في صلاته أي نعم. وهذا فيه في هذا دليل على أنه يجمع في آخر الصلاة بين السلام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نقل ابن كثير في تفسيره القول بوجوب الصلاة عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأخير عن الإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وهو حديث أبي مسعود الذي تقدم ويدل على ذلك كما قال ابن كثير رحمه الله وجمهور العلماء على القول بعدم الوجوب. أي نعم. وكما قال ابن كثير جمهور العلماء على القول بعدم الوجوب. ذاك الشيخ الزي Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons, ils ont appris du prophète, les compagnons ont appris du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont appris comment faire as-salam ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment faire envoyer la paix sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il leur a enseigné, dans le tashahhud, qu'il leur a enseigné également. Il leur a enseigné comment faire le tashahhud auparavant, dans le tashahhud qu'il leur a enseigné de faire. Et dans le tashahhud, il y a la formule dans laquelle on dit Assalamu alayka ayyuhan nabi, c'est-à-dire paix sur toi, ô prophète, ainsi que la miséricorde et la bénédiction d'Allah. Donc ils lui ont demandé ensuite comment faire la salat sur lui, et il leur a répondu par As-salat al-Ibrahimiyya, le dua qu'on fait, dans lequel on mentionne la paix sur Ibrahim. Donc Ibn Kathir il a expliqué dans son tafsir du verset qu'on a lu tout à l'heure, le verset 56 dans Surat Al-Ahzab, il a expliqué que la signification de leurs paroles en ce qui concerne le salam sur toi, alors on l'a connu, ça on l'a connu, c'est-à-dire ça c'est le dernier tashahhud qui leur a enseigné, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur enseignait comme il leur enseignait une sourate dans le Coran. Et dans ce dua du tashahhud, il y a le fait de dire assalamu alayka ayyuhan nabi, ou bien assalatu assalamu ala nabi, comme c'est mentionné dans le musnad de l'imam Ahmad et dans le mustadrak de l'imam Hakim. Et il a dit que c'est un hadith qui est authentique selon les conditions de musulmans. Et l'imam al-Zahabi a été d'accord avec lui dans cette authentification. Et il dit, c'est rapporté selon Abi Mas'ud al-Ansari, radiallahu anhu, qui a dit qu'un homme est venu jusqu'à ce qu'il s'assoie devant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et nous étions auprès de lui. Et il a dit, ô messager d'Allah, en ce qui concerne le salam sur toi, On l'a appris, on sait ce que c'est. Donc quand on est en train de faire notre prière, comment on doit faire la salat sur toi? Et ça c'est rapporté par une isnad selon les deux qu'on a mentionnés, rapportés par les deux, dans les deux qu'on a mentionnés, c'est-à-dire par l'imam Ahmad et par l'Hakim. Et c'est rapporté dans l'isnad, il y a Muhammad ibn Ishaq. Et Muhammad ibn Ishaq, il est mudallis. Et quand on dit qu'il est mudallis, ça veut dire que parfois il cache la personne de qui il prend le hadith. Et, mais par contre, dans cette narration-là, il a dit explicitement qu'il l'a entendu. Hein? Qu'il l'a entendu de Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi. Alors, il a dit « وَحَدَّثَنِي فِي الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ » Donc, il dit que, il m'a dit que, yani à propos de la salat sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque quelqu'un est dans sa prière. Donc, il a dit que Muhammad ibn Ibrahim m'a rapporté ça directement. Donc ça c'est la preuve que yani dans cette narration là donc il est correct. Et donc le cheikh il dit que ça c'est la preuve que on doit réunir les deux à la fin de la salat, le salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que la salat al-ibrahimiyya. Et ça a été rapporté selon Ibn Kathir dans son tafsir que c'est obligatoire de faire as-salat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam après le dernier tashahhud. Et ça a été rapporté selon l'imam al-Shafi'i et l'imam Ahmad et Ishaq ibn Rahouya. Et il y a le hadith de Abu Mas'ud qui confirme ça. Hein, qu'on a déjà mentionné précédemment, qu'on vient de lire, et il dit, et également, l'imam Ibn Kathir, il a expliqué, rahimahullah, et il a dit que la majorité des ulama sont de l'opinion que ce n'est pas obligatoire. Il a dit que la majorité des ulama, ils disent que ce n'est pas obligatoire, mais il dit, le cheikh ensuite, « wa tu'jibuni qissat » وتعجبني قصة لأحد الفضلاء وهو الشيخ ثاني المنصور رحمه الله من الجبيل ثاني المنصور من الجبيل رحمه الله في منطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية سمعتها ممن سمعها منه مضمونها أنه زار إحدى الدول التي فتن بعض أهلها بالبناء على القبور والغلو في أصحابها فلقي جماعة في مسجد فيه قبر فلمزوه وأهل بلده بأنهم لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم هل في بلادكم حانات للخمور وأماكن للعهر والفجور قالوا نعم كثيرة فقال إن بلادنا ليس فيها ولا محل واحد وقال لهم أيضا ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندكم في الصلاة قالوا مستحبة قال فإنها عندنا ركن إذا لم يأتي بها المصلي في صلاته لا تصح صلاته فمن يكون الأولى إذن بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il raconte une histoire, et c'est effectivement une histoire intéressante. Parce qu'on a mentionné la parole de l'imam Ibn Kathir qui dit que le jumhur des ulama considère que c'est pas obligatoire. Alors que le cheikh Mohammed Ibn Abdul Wahhab et d'autres ulama, eux, yani comme on a mentionné, l'imam al-Shafi'i, l'imam Ahmad, l'imam Ishaq Ibn Rahouya, ils considèrent que c'est obligatoire. Alors, le cheikh il dit, j'aime beaucoup cette histoire qui a été rapportée, qui m'a été racontée de la part d'un des parmi des gens du bien, le cheikh Thani Al-Mansour. Il vient de la ville de Jubail, dans Al-Mantiqat al-Sharqiyya, c'est-à-dire à l'est de la péninsule arabe, en Arabie Saoudite. Il a dit, je l'ai entendu, et lui, attends, il dit, Sami'tuha mimman sami'aha minhu. Je l'ai entendu de celui de qui il a entendu. Il dit, cette histoire, elle raconte que il a visité un des pays, parmi les pays où il y a la fitna des constructions sur les tombeaux et l'exagération envers les hommes qui sont enterrés dans les tombeaux. Et il a rencontré des gens dans une mosquée où il y avait une tombe. Alors, les gens de cette mosquée ont commencé à le traiter de nom et à l'accuser de à l'appeler par des noms, des sobriquets, des choses comme ça. Et il disait qu'il n'aimait pas le messager. Donc il l'accusait de ne pas aimer le messager. Parce qu'on interdit de construire des mosquées sur des tombes. Donc ils ont dit, ah vous, vous n'aimez pas le messager. Vous n'aimez pas les hommes pieux. Alors l'homme en question, le cheikh, il leur a posé la question, il leur a dit, est-ce que vous, dans votre pays, vous avez des bars, des endroits où il y a de l'alcool qui se vend, et des bordels ou des endroits où il y a de la prostitution et des péchés? Il a dit, oui, il y en a beaucoup. Ils ont dit, oui, il y en a beaucoup. Alors lui, il a répondu, il a dit, notre pays, il n'y a pas un seul endroit dans notre pays où on vend de l'alcool ou bien où il y a de la prostitution ouvertement. Alors, il a dit ensuite, quel est le verdict chez vous de faire la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la salat, c'est-à-dire quand vous priez, c'est quoi le verdict de faire le dua sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont répondu que c'était recommandé, hein, recommandé, mustahab, c'est-à-dire que c'est pas obligatoire. Alors il leur a répondu, il leur a dit, pour nous c'est un pilier dans la salat, c'est-à-dire que si tu le fais pas, ta salat va être nulle, ta salat va pas être valable. Donc qui a plus le droit de, dans ce cas-là, qui mérite plus de dire qu'il aime le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Donc ça, c'est juste un exemple pour lui montrer parfois l'attitude des gens et comment ils accusent les gens qui suivent la sunna, alors qu'en réalité on voit que eux-mêmes ils ont plus de raisons de s'accuser eux-mêmes que d'accuser ceux qui justement suivent l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et suivent sa sunna. Il y a d'autres exemples qui sont mentionnés, mais je pense qu'on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. On continuera au prochain cours, Inch'Allah. Et naam, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayki.